Salut Danny. Évidemment, c'est la première fois. C'est une de mes nouveautés cette année d'être en direct. Donc, s'il y a des gens qui veulent poser des questions à Marc, soyez bien à l'aise. Donc, Marc, on va y aller d'abord dans un premier temps avec la saison du Canadien. Il y a beaucoup d'observateurs qui prévoient que le Canadien pourrait être dans le carré d'as. Est-ce que c'est exagéré selon toi? Ben, écoute, c'est sûr et certain que si on regarde le mouvement de personnel que Marc Bergevin a fait, avant de commencer cette saison-là, c'est sûr et certain que le Canadien s'est amélioré. Maintenant, est-ce que ça va être assez pour être dans le carré d'as? Je pense qu'ils devraient être dans leur division. Je les vois dans les quatre premiers de leur division. Je pense qu'avec Toronto, avec probablement Edmonton, peut-être, tu sais, Vancouver, eux autres, c'est des équipes qui d'après moi, devraient se classer, mais. Ça va être intéressant parce que ça ne serait quand même pas une division facile pour le Non. Canadien, là. Si on regarde, admettons, Tampa Bay, qui vont affronter, admettons, Détroit, qui vont affronter peut-être Nashville, Columbus, c'est peut-être des matchs qui vont être, je dirais pas plus faciles, mais où ce que ce sont des équipes qui sont un peu en reconstruction. Si on regarde dans l'autre division, Colorado, qui va affronter Saint-Nosé, Anaheim, Los Angeles, qui ne sont pas dans leur top présentement. Tu peux avoir des matchs peut-être plus faciles dans ces divisions-là, alors que du côté de la division du Nord, là, avec toutes les équipes canadiennes, ça va être des matchs âprement disputés soir après soir. Alors, c'est un gros défi pour le Marc, Canadien. est-ce que le Canadien, le fait qu'ils vont jouer dans l'Ouest, on sait que c'est quand même une division canadienne cette année, beaucoup de voyagements, ça peut certainement jouer un petit peu contre le Canadien. On dit que le calendrier du Canadien est très, très difficile. Beaucoup de matchs en deux soirs également. Ben, c'est 56 matchs en pas loin de 120, en 120 jours, je pense. Alors, c'est quasiment aux 2 jours, là, Danny. Alors, c'est sûr et certain que si tu vas jouer un match à Vancouver, puis tu reviens après ça jouer contre Toronto, puis que tu as ton 3 heures de décalage, ça va être plus difficile. Mais de la manière j'ai pu voir ça, un exemple, lorsqu'ils vont aller jouer à Vancouver, je crois qu'ils vont aller jouer 3 matchs Ouais. là, contre les C'est un peu Canucks. comme du club baseball, un peu, là. Ouais, alors là, ça te donne peut-être le temps là, de prendre le beat là, du décalage d'heure, mais c'est sûr et certain que s'ils commencent à se promener, qu'ils vont jouer à Vancouver, qu'ils reviennent à Toronto, qu'ils vont à Calgary, 1 heure de décalage, 2 heures de décalage, 3 heures, alors là, ça peut jouer sur le système à la longue pour l'avoir vécu personnellement, mais je pense qu'ils vont essayer d'arranger des cédules où ce que ils vont être dans le même fuseau horaire pour peut-être plus qu'un match, là. OK. On va y aller maintenant avec, écoute, du coup, c'est là qu'on voit que la question de Jake Allen également. Moi, beaucoup parlent d'Anderson, de Toffoli, comme la grosse acquisition. Edmundston également. Romanov qui a connu un excellent camp d'entraînement. Et moi, dans ma tête à moi, le gardien de but, c'est Jake Allen. Surtout avec un calendrier très, très difficile. On a vu Carey Price durant la bulle. Dans la bulle, il était reposé. Il était le gardien de but dominant qui était là. Effectivement, l'acquisition clé pourrait être Jake Allen, surtout Un bon point. si on joue aux 2 jours pendant 56 matchs. C'est pas beaucoup, là, c'est sur 4 mois. Alors, jouer 56 matchs en 4 mois, c'est demandant. Alors, c'est pour ça que je pense que cette acquisition-là va être d'une bonne importance. Mais également, la profondeur, Danny, lorsque tu commences ta saison avec un Perry. Puis Romano, une quelqu'un. couple Romanov et tout ça qui sont en backup parce qu'on le sait hein, que ça aux 2 jours comme ça exigeant comme ça va l'être les équipes peut-être plus vieilles risquent peut-être d'avoir des joueurs qui vont tomber au combat plus rapidement que de jeunes équipes. Alors c'est la profondeur devient un OK. enjeu important là. Donc, évidemment, écoute, c'est sûr que le fait également que les Canadiens, ils ont quand même un calendrier difficile, une vision quand même difficile par rapport au voyagement. Par contre, du côté des forces des équipes, t'as Vancouver, c'est pas une grosse équipe. T'as pas des équipes vraiment dominantes, là. Ouais. Ben, je ne suis pas sûr, À moi, part Toronto. dans l'Ouest. Ouais. Hein? Non, mais moi, je pense que c'est une division qui va être assez bien balancée avec toutes les équipes qu'il y a. Tu sais, Toronto, c'est quand même une équipe qui a tellement de talent, tellement de potentiel qui peuvent gagner des matchs avec leur talent à à tous les soirs. Edmonton, avec la force de frappe qu'ils ont, c'est des équipes qui vont être difficiles à jouer. Calgary, c'est toujours des équipes de travaillants. C'est une équipe qui joue physique. Vancouver, tu sais, moi, je trouve que c'est une division qui va être difficile. Puis on va voir également avec Ottawa, avec les acquisitions qu'ils ont fait également. Ils seront sûrement meilleurs que la dernière saison. Alors, moi, j'entrevois que ça va être une division difficile pour le Canadien, même s'ils n'ont pas peut-être les équipes pour aller jusqu'au bout, comme une équipe comme Colorado ou Tampa Bay. Je C'est sûr. trouve qu'il y a quand même un meilleur balancement dans cette division-là, comparativement aux autres. OK. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent à l'effet que Pierre-Luc Dubois pourrait s'en venir à Montréal. Je sais pas comment tu vois ça, toi. Moi, c'est pas si. Oui, à part que c'est un Québécois, tu sais, la ligne du centre du Canadien, on voit que Keke est en pleine montée. Il a connu un bon camp d'entraînement également. Pas mal le même genre de joueur que Pierre-Luc Dubois. Suzuki est appelé toujours à être très très bon, à probablement être le meilleur joueur du centre. À part le fait d'avoir plus d'expérience, c'est quoi qu'on irait chercher? Qu'est-ce que Pierre-Luc Dubois porterait plus au Canadien? Écoute, Danny, lorsqu'un joueur de cette Ouais. qualité-là devient sur le marché, tu ne peux pas passer à côté au moins de Ouais. l'occasion d'aller tenter le terrain, de voir Ouais. qu'est-ce que ça Ouais. peut coûter. Est-ce que le prix va être trop cher par rapport aux besoins du Canadien? Peut-être que, je vais dire un peu l'expression à Marc Bergevin, peut-être qu'à la fin de la Ouais. journée, en analysant la situation, ils vont trouver que c'est trop cher payé. Pour une position qui n'est pas nécessairement un manque présentement pour le Canadien. C'est juste qu'on manque d'expérience présentement dans la ligne du centre. Mais Pierre-Luc Dubois, pour moi, je le considère comme un joueur vedette dans la Ligue nationale. Et puis, lorsque cette occasion-là se présente, Marc Bergevin n'a pas le Non, c'est choix sûr. d'aller à la pêche et d'aller voir quel en serait le prix et quelles en seraient les conséquences. Mais si tu as la chance de rentrer dans ton alignement, un joueur de cette Oui. qualité-là, Danny, il faut que tu donnes un OK. push. Ce serait quoi d'abord? Kiki? Ben, moi, je pense qu'il va coûter trop Ouais. cher, là, parce que, tu sais. Il n'y a pas mal de taxes parce que c'est un Québécois aussi, là. Puis Ouais. la direction des Blue Jackets, c'est ça, là. Ouais, mais c'est un. Ouais, puis c'est quand même un troisième choix overall. C'est un Ouais. gars qui a un impact. C'est un joueur concession. Pour cette équipe-là, le Galatasaray Columbus, c'est pas mal dans le meilleur joueur de l'équipe. Oh. Alors, un joueur comme ça, là, ça va être un mix de choix repêchage assez élevé et de bons joueurs, un bon jeune. Alors, est-ce que ça en vaut le coup? Ça sera à Marc Bergevin de décider ça, mais c'est sûr et certain qu'on va devoir parler un bon choix repêchage et d'un bon joueur là, dans le cas Ben, de Pierre-Luc parce que je Dubois. pense que, tu sais, il faut au moins que tu parles d'un Suzuki ou d'un Keke au départ pour Columbus, là. Tu sais, t'auras rien pour rien, là. Au Absolument. départ, tu sais, Absolument. c'est le joueur, probablement un haut choix repêchage également, parce que, tu sais, Pierre-Luc Dubois pour les Blue Jackets. Et là, il y a le plafond salarial également, canadien, très à côté au plafond salarial. On joue à 21 joueurs justement parce que on est au plafond, parce que, tu sais, le T'as raison. 22e et 23e joueur, il y a le plafond, les Canadiens ne peuvent pas se le permettre parce qu'ils sont à côté. Exact, t'as raison. Ça, c'est un autre élément à considérer maintenant là, avec le plafond salarial. Quand tu es à côté comme ça, c'est sûr que Dubois, il a signé, je pense, 2 ans à 5 ou 6 millions par année, Ouais. je crois, 10 millions. 10 millions. Ouais. Bon, 5 écoute, millions par année. il faut qu'il rentre, là-dedans, mais ça, c'est une logistique. Je pense que lorsqu'une équipe là, fait cette transaction-là, elle est considérée là-dedans. Mais tu sais, quand tu regardes ça froidement, si tu te retrouves, admettons que le prix à payer, je te dis n'importe quoi, là, mais le prix à payer serait Suzuki et un choix. Mais là, après ça, tu regardes ça, tu te dis l'échange de Pacioretty, ça rapporterait Tatar, Pierre-Luc Dubois et, admettons, un choix repêchant. Tu sais, quand on regarde ça froidement, ça devient intéressant parce que l'échange de Pacioretty, qu'est-ce que ça t'a fait? C'est que ça t'a donné de bonnes munitions. Demain matin, je pense que tu la referais encore, là, puis tu la ferais moins cher que ça. Tu dirais peut-être Pacioretty contre Suzuki, on fait ça. C'est clair. Ça devient intéressant, mais au moins, le Canadien a des munitions pour être capable d'aller dans des grosses possibilités de transactions. Ah, c'est clair. Tu regardes ça, il y a quand même de bons jeunes également. Ils ont bien repêché au cours des 2-3 dernières années. Là, je veux te parler de Yoelson également. Yoelson qui a été soumis au ballottage, repêché par les Panthers de la Floride. Écoute, il y avait quand même un certain risque. Un défenseur choix de première ronde il a pas eu son développement quand même assez parce qu'il y a eu toutes sortes il y a eu des blessures, il y a eu toutes sortes d'affaires dans le cas de Yoelson. Il est allé avec les Panthers, c'est pas surprenant. Scott Mellenby, qui est un membre de l'organisation des Panthers, a longtemps été dans l'organisation du Canadien, donc il connaît. T'as le choix, Yoelson ou Mété en santé, tu prends qui? Ben, Ouais. on ne l'a pas assez vu, Yoelson. Ben, Moi, je c'est ça pense que qui. Yoelson avait un meilleur potentiel de Mété, je pense. Ouais. Tu sais, mais Mété, là, à un moment donné, on commence à voir que sa petite taille, on s'attendait à ce qu'il la compense avec beaucoup de Un peu vitesse, comme Samuel Girard. avec, Ah, un peu oui, comme avec Samuel. beaucoup, beaucoup de skills et de vitesse, mais on s'aperçoit que dans le cas de Mété, c'est pas tout à fait ça, là. Tu sais, Girard, il l'a, ça. Girard, il a un sens du hockey au-delà de la moyenne. Il a un coup de patin où il est capable de tourner sur un 10 cents. Il se déplace très bien. Il a une bonne vision de jeu. Alors que du côté de Mété, ça ne semble pas être tout à fait là. Alors, sa grandeur, sa grosseur, je pense que ça joue contre lui présentement parce qu'il n'est pas capable de compenser avec ses autres qualités. Alors, peut-être que dans ce cas-là, Yoelson en santé aurait été un meilleur choix. Mais tu sais, là-dedans, là, c'est du gamble, hein, Danny? Ah oui, Tu c'est perds clair. des joueurs, t'en gagnes. Tu fais des bons coups, tu fais des mauvais coups. C'est difficile de garder tout ton monde. Alors, j'espère que pour lui, que pour Yoelson, il va être capable de trouver sa niche là, avec sa nouvelle équipe. Mais tu sais, c'est un gars qui a songé l'année passée à prendre sa retraite. Alors, c'est pour te démontrer où ce qu'il en était là, dans son cheminement, ce n'était pas évident pour lui, là. En fait, dans le cas de Mété, on ne sait pas vraiment c'est quoi. Tu sais, c'est sa force. C'est un gars qui a pas le super le coup de patin, il n'a pas un super de bon lancer, une vision de jeu correcte, mais sans plus. Petit défenseur. Tu sais, c'est pas comme Samuel qui a une vision incroyable puis Ouais. qui est capable de virer sur une scène. Tu sais, Mété, c'est pas ça. On l'a souvent comparé dans Junior Mété et Samuel Girard. Je peux te dire que Samuel a passé à 100 000 au-dessus de Victor Mété, là. Mais il y a quand même Absolument. 200 matchs dans l'Ignition. Hein? J'écoutais hier les spécialistes dire que, regarde, c'est clair que Victor Mété aurait été repêché si le Canadien l'aurait soumis au ballottage à cause de son 200 matchs dans l'Ignition. Ouais, mais tu sais, c'est correct. On ne dit pas qu'il n'y ait pas de calibre de Ligue nationale. C'est juste que tu as raison. On a de la misère présentement à lui trouver une chaise. On ne sait pas où on peut le mettre parce qu'il était supposé d'être un joueur très offensif, d'être un joueur très offensif, mais ça lui a pris combien de games à marquer son premier but? Ça lui a pris énormément de matchs, là. Alors, il semble ne pas avoir trouvé encore sa vitesse de croisière. Peut-être non plus qu'il n'est pas utilisé adéquatement pour les attentes, mais ça, c'est à lui, ça, de faire sa place puis de gagner ses galons. Alors, présentement, ça ne semble pas être le cas. Puis surtout avec les nouvelles acquisitions du Canadien à la défense, ça va devenir de plus en plus difficile pour lui là, d'avoir un poste régulier. Effectivement. Dernière question, je vais parler d'Alexis Lafrenière. Alexis Lafrenière qui va débuter demain avec les Rangers de New York. Tu t'attends à quoi dans son cas? Est-ce que tu penses qu'il va jouer sur le troisième trio demain? Il a une belle équipe. Moi, j'ai Alexis Lafrenière dans le marché de New York, c'est vraiment bon. Il me semble qu'il marche bien et il fit bien dans le marché de New York. Est-ce que tu t'attends déjà à avoir un impact immédiat dans le cas de Lafrenière? Je pense que oui, parce que juste par qu'est-ce qu'il va amener, l'attention qu'il va amener, je pense que ça va lui donner des ailes. Mais tu sais, là, qui commence à un, ça à deux, ça à trois, là, Danny, là, ça change rien au prix des bananes, comme on dit, là. L'important, là, pour lui, là, c'est un marathon qui commence. C'est pas un 100 mètres, là. Il faut pas qu'il soit excellent tout de suite demain, puis s'il ne score pas demain, on commence à y mettre de la pression. C'est un jeune qui commence. Il commence un marathon de peut-être 15 ans de hockey dans la Ligue nationale. Alors, soyons patients. Allons-y étape par étape. On va monter les marches, l'échelle, on va la monter barreau par barreau. Mais si tu veux qu'il monte au 10e barreau au premier match, c'est sûr et certain qu'il risque de peut-être de se péter à la gueule. Mais si tu es patient avec, puis tu lui laisses le temps de prendre sa place. Mais c'est sûr que ça va être un bon Ah ouais. joueur, là, puis ça va être un joueur d'impact, puis ça va être le fun, puis il est dans un beau marché pour ça. Alors, c'est nous autres, les partisans, qui vont en être gagnants, mais il faut y aller étape par étape Marc, dans un ce cas-là. gros, gros merci. Donc, on écoute les gens en Facebook Live également, c'est sur podcast. Nous, ben, c'est pour une première, évidemment, dans Radio Sports sur Facebook Live. Merci beaucoup, puis on va s'en reparler un autre tantôt. Ça me fait toujours plaisir, Collaborateur Marc Danny. Fortier. Hey, t'es donc bien bon!